Comment produire suffisamment d'aliments pour nourrir 10 voire 11 milliards d'êtres humains à l'horizon 2100? Comment assurer à des voyageurs spatiaux à destination de Mars une nourriture fraîche et saine à croissance rapide? Comment résoudre le problème de la raréfaction des terres arables et de l'appauvrissement des sols? Toutes ces questions amènent à la même réponse via les cultures hors sol. Hydroponie, aéroponie, aquaponie et même bioponie, ces techniques de culture que l'on s'imagine futuristes, mais qui étaient déjà développées par les civilisations précolombiennes. Agriculture, la fin du droit du sol, c'est le programme nutritif qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Oui, on avait pensé à Je ne peux pas, j'ai aquaponie, mais on a trouvé ça vraiment beaucoup trop navrant comme titre. Bonjour Christine Aubry. Bonjour. Vous êtes ingénieure de recherche hors classe à Agro Paris Tech et nous sommes en duplex depuis le bureau de Radio France à Lyon avec Pierre Foucard. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes chargé de mission aquaculture recirculée. Vous nous expliquerez exactement ce que c'est que ce terme de recirculer. Aquaponie, hydroponie à l'ITAVI, c'est l'Institut technique de l'aviculture. Vous êtes également coordinateur de l'ouvrage Aquaponie associé aquaculture et production végétale. C'est aux éditions Quae. Mais avant de vous retrouver, de nous immerger dans ces cultures hors sol, on fait le tour de l'actualité scientifique du jour avec Antoine Beauchamp. Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour. C'est le journal des sciences. Et on commence ce journal avec la fin d'un débat en paléontologie. Les tyrannosaures nains n'ont jamais existé. C'est un débat qui dure depuis des décennies, précisément depuis la découverte en 1942 puis en 2001 de deux fossiles de tyrannosaures de petite taille qui laissaient croire qu'une espèce de tyrannosaure de petite taille, les Nanotyrannus, aurait existé. Une étude parue récemment dans Science Advances vient clarifier les choses. Les tyrannosaures nains n'ont jamais existé et l'étude ne s'en tient pas à ce constat. Elle nous en dit également plus sur la croissance des T-Rex. Explication avec Jean Leleuf, qui est paléontologue et directeur du musée des dinosaures à Espéraza. Les chercheurs en fait ont découpé les fémurs et les tibias pour observer la texture de l'os et essayer de comprendre s'il s'agissait d'os de juvénile ou d'adulte. Les résultats, c'est que ces deux spécimens qui ont été étudiés ont tous les caractères de relativement jeunes animaux qui devaient avoir entre 12 et 15 ans. Donc ce seraient des jeunes Nanotyrannus et non pas des adultes Nanotyrannus. Et par conséquent, Nanotyrannus lui-même serait en fait simplement un très jeune T-Rex. Parmi les éléments assez étonnants, c'est que donc ces animaux-là, ceux qui ont été étudiés ont une quinzaine d'années, font 6-8 mètres de long et pèsent à peu près une tonne, d'après les estimations des collègues qui ont fait ça. Or, un adulte de T-Rex, il a 20 ans ou un petit peu plus, et pèse 9-10 tonnes. Ce qui veut dire qu'il y a une accélération énorme de la croissance de ces animaux, assez tard dans l'ontogénie du tyrannosaure, en fait, qui est une stratégie un petit peu étonnante. Puisque les jeunes grandissaient très vite, mais à un moment se mettent à grandir encore plus vite, d'une manière exponentielle. Ceci vers entre 16 et 20 ans à peu près. Voilà, et le lien vers cette étude publiée dans Science Advances, vous pouvez le retrouver sur notre fil Twitter @lamethodefc, ou si vous n'êtes pas abonné à Twitter, via la page de la méthode scientifique sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Une équipe italienne de chimistes vient de découvrir deux nouveaux types de cannabinoïdes. Les cannabinoïdes sont ces substances chimiques qui agissent sur les récepteurs cannabis présents dans le corps humain et le corps des mammifères. Parmi les quelques 100 cannabinoïdes identifiés dans la plante de cannabis, on connaissait le tétrahydrocannabinol, le THC, et le cannabidiol, le CBD. Il faudra désormais compter avec le tétrahydrocannabiforol, le THCP, et le cannabidiforol. Ce dernier ne présente visiblement pas grand intérêt pour les chercheurs qui s'intéressent davantage au THC. THCP. Ce THCP démontre une affinité avec le récepteur CB1, responsable des effets euphorisants du THC, 30 fois supérieure à celle rapportée par le THC. L'étude approfondie du THCP pourrait aider à comprendre les propriétés pharmacologiques de certaines variétés de cannabis. Francis Arnold, prix Nobel de chimie 2018, vient de rétracter son dernier papier paru dans la revue Science. Et dans l'annonce faite sur Twitter, le prix Nobel se dit totalement déçu d'avoir à rétracter le dernier papier sur la synthèse enzymatique des bêta-lactamines parce que le travail de recherche n'a pas été reproductible. La chercheuse présente ses excuses et ajoute qu'elle était un peu occupée au moment où ce papier a été soumis et qu'elle n'a pas fait son travail correctement. Cette annonce, saluée par la communauté scientifique comme un geste d'une grande intégrité, survient dans un contexte particulier, celui d'une crise de la reproductibilité des résultats scientifiques. En 2018, la revue Nature sonnait déjà l'alarme. Selon une enquête menée par la revue, deux tiers des chercheurs qui avaient essayé de reproduire les résultats d'expérimentations menées par des collègues avaient échoué. Et enfin, d'ici la fin du siècle, une collision d'étoiles produira temporairement la lumière la plus brillante dans le ciel nocturne. Il faudra attendre 2083 pour assister au spectacle de cette collision du couple binaire V Sagittae, composé d'une naine blanche, une étoile déjà morte et une autre étoile quatre fois plus massive environ. C'est le plasma de cette étoile plus massive attiré par la naine blanche qui la conduit à se rapprocher d'elle. Les chercheurs de la Louisiana State University ont modélisé ce rapprochement et ont conclu qu'autour de 2083, la fusion de ces deux étoiles produira un vent stellaire extrêmement lumineux, le plus lumineux de notre Voie lactée et qui sera visible pendant plus d'un mois. Rendez-vous donc dans 63 ans. Mais pas du tout, Antoine, rendez-vous demain. On vous attend demain pour le prochain Journal des Sciences. Merci beaucoup, il est 16h07. Saviez-vous que plus de deux tiers des tomates que vous consommez au cours de l'année en France sont produites hors sol via des techniques dites d'hydroponie, cultiver des plantes hors de la terre. Ce n'est pas seulement un rêve ou un cauchemar d'ailleurs, selon le point de vue technologique d'une agriculture futuriste qui aboutit à des fermes entièrement robotisées comme l'immense ferme hydroponique Ironox en Californie qui est entièrement gérée par des robots et des intelligences artificielles. Ce sont avant tout des solutions pour pallier la surexploitation des sols, l'augmentation de l'emprise urbaine, de la population ou de la demande alimentaire, mais aussi, pourquoi pas, de futurs voyages spatiaux au long cours. Pour commencer, peut-être, est-ce que ce boom des cultures hors sol, il est assez récent? Est-ce qu'on peut le quantifier aujourd'hui, Christine Aubry? Alors, c'est un petit peu difficile. Vous avez donné quelques éléments, notamment sur les cultures de tomates, par exemple. Typiquement, les tomates cerises, on sait qu'elles sont aujourd'hui produites à plus de 80% dans des formes hydroponiques, qui ne sont pas toutes récentes, hein, puisque des techniques qui datent d'une cinquantaine d'années, 60 ans environ. Voilà, maintenant toutes les agricultures proches des villes ou dans les villes ne sont pas forcément hors sol non plus. Donc voilà, ces techniques hors sol sont en train de connaître effectivement des diversifications aujourd'hui, des formes de diversification. On peut être hors sol sans être forcément en hydroponie ou en ce que nous on appelle les X-ponies, c'est-à-dire hydro, aéro, ce que vous avez dit tout à l'heure. On va faire la liste. Bio et tout ça, voilà. On va dérouler le menu. Donc il y a des formes aujourd'hui de cultures hors sol qui sont sur substrat, qui utilisent par exemple des déchets organiques urbains ou des mélanges de déchets organiques urbains, des déchets de construction. C'est des choses que l'on teste par exemple à AgroParisTech. Sur toute cette ingénierie du substrat de culture qui peut aider à recoloniser des espaces dont les sols sont pollués, par exemple. Voilà, maintenant, donc d'autres formes d'agriculture urbaine existent qui utilisent le sol ou qui utilisent ces substrats, qui sont en plein air ou qui sont sous serre. Donc il y a une grande diversité aujourd'hui, des formes professionnelles, des formes non professionnelles. Et effectivement, on constate, dans certains pays en tout cas, que des formes plus technologiques se développent. Pierre Foucard, un mot justement sur ce boom technologique que l'on analyse ou qu'on perçoit aujourd'hui effectivement comme une sorte de vague de fond qui est en train d'arriver, qui est en fait non seulement une technique ancestrale comme je l'évoquais dans l'introduction, mais qui est en fait en cours de développement progressif de manière professionnelle et non professionnelle depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Oui, alors effectivement, c'est une méthode en plein boom. Elle présente différents avantages, différentes limites qu'on pourra sûrement évoquer par la suite. Bien entendu. Aujourd'hui, comme vous le disiez, donc 80% des tomates sont produites hors sol en France. C'est la même chose qu'on peut le dire pour les fraises, pour les concombres, pour les aubergines et plein d'autres légumes dits légumes fruits. C'est un petit peu moins développé pour tout ce qui est légumes feuilles, type salade, herbes aromatiques, mais ça commence vraiment à venir également. On commence vraiment à diversifier la gamme de végétales jusqu'à certaines limites, car par exemple, on peut pas faire de culture céréalière en hydroponie. C'est pas quelque chose qui est aujourd'hui possible, ni pertinent au niveau économique. Pourquoi ? Si vous voulez, déjà en termes de rentabilité, faire de l'hydroponie pour le maraîchage, admettons, c'est déjà difficile d'être plus économiquement viable par rapport à la culture pleine terre. C'est rendu possible grâce à la culture sous serre, grâce au chauffage des serres, grâce au rendement qui est beaucoup plus élevé dans les techniques hors sol. Par contre, pour tout ce qui est céréalier, ce sont des techniques qui ne sont simplement pas adaptées au métabolisme de ces plantes. Et donc, on ne peut pas cultiver du blé de la même manière qu'on va cultiver de la tomate sous serre. Christine Aubry, qu'est-ce qui discrimine un type de culture qui est rendu possible hors sol par rapport à d'autres, comme les céréales, mais comme pommes de terre, je ne sais pas, ou d'autres types de plantes qui ne s'adaptent pas à ce type de culture ? Alors, c'est effectivement d'abord et peut-être et avant tout le type de système racinaire. Et la longueur du cycle aussi, ce que disait Pierre est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très difficile déjà d'obtenir de la rentabilité économique dans certains systèmes hydroponiques, notamment quand on est en zone urbaine, où les facteurs de production sont très chers. Alors clairement, quand on est sur des cultures qui vont durer plusieurs mois, ça devient vraiment très compliqué. Donc le système racinaire, typiquement les tubercules sont rarement, ça ne veut pas dire pas du tout, hein, certains systèmes hydroponiques permettent de faire des légumes racines, mais c'est vrai que c'est généralement plutôt sur des légumes feuilles ou des légumes fruits ou des petits fruits que se portent ces productions hydroponiques. Des légumes racines comme par exemple ? Comme par exemple des carottes, comme par exemple des navets, enfin tout ce qui est tubercule, donc souterrain, quoi. Est-ce qu'on a un moyen aujourd'hui, Pierre Foucard, de quantifier la part de cette agriculture hors sol par rapport à l'agriculture conventionnelle, en tout cas l'augmentation, la tendance de cette part par rapport à l'agriculture dite conventionnelle ? Alors, j'ai pas forcément les chiffres sur cette question. Il est sûr que pour tout ce qui est, comme je vous le disais tout à l'heure, légumes, fruits, tomates, concombres, aubergines, on va vers une forte augmentation de la part de l'hydroponie pour ces cultures. Mis à part, bien sûr, tout ce qui va être cultivé en biologique, car il faut le dire, la culture hors sol ne peut pas être labellisée biologique. Donc, il y aura toujours cette part, elle aussi en augmentation de la culture biologique qui ne pourra pas être hors sol, en tout cas dans les conditions réglementaires actuelles. Sinon, aujourd'hui, j'ai pas forcément les chiffres concernant la part exacte du hors sol dans l'agriculture totale, mais ça ne viendra jamais remplacer totalement l'agriculture conventionnelle. C'est pas forcément le but non plus. Non, bien sûr, c'est plutôt des techniques complémentaires, mais je crois que ces chiffres, effectivement, sont difficiles à avoir. On va peut-être en obtenir cette année, je crois, Christine Aubry. Il y a des recensements qui sont en cours. Voilà, donc tous les 10 ans, il y a un recensement général de l'agriculture dans lequel on peut avoir une vision globale de l'agriculture, celle d'abord en sol, mais aussi sur d'autres techniques. On quantifie un peu mieux les productions sous serre. Donc on aura une vision, effectivement, d'ici une bonne année, parce qu'il faut après le temps, bien sûr, d'analyser les résultats. On aura une vision probablement plus précise de l'augmentation très probable, effectivement, des cultures hydroponiques, des cultures sous serre au cours de la dernière décennie. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et nous parlons donc de culture hors sol, d'hydroponie, d'aéroponie, d'aquaponie. On va définir tous ces termes en compagnie de Christine Aubry et de Pierre Foucard qui est avec nous en duplex depuis Lyon. Peut-être pour commencer, Christine Aubry, l'hydroponie, comment ça fonctionne exactement ? Quel est ce système de culture ? Le principe, c'est en fait de nourrir des plantes. Non pas en les mettant dans un sol et en faisant en sorte qu'elles puissent leurs éléments nutritifs dans le sol, mais d'apporter ces éléments nutritifs à travers l'eau. Alors eau d'irrigation dans laquelle elles trempent ou avec lesquelles elles sont en contact. Donc il y a plusieurs systèmes, Pierre les connaît mieux que moi, je lui laisserai la primeur d'en décrire certains. Donc voilà, le sens même de l'hydroponie, c'est faire pousser des plantes grâce à des éléments nutritifs dans l'eau. Alors aujourd'hui, ces éléments nutritifs sont essentiellement des éléments minéraux, des engrais chimiques. Certaines tendances vont vers le fait d'avoir des engrais organiques, c'est ce qu'on appelle la bioponie, et puis l'aquaponie, c'est le lien entre un élevage de poissons et des légumes. Donc une forme de bioponie finalement, mais naturelle. Voilà. Pierre Foucard, concrètement, si on met les mains, alors non pas dans la terre, mais dans l'eau en l'occurrence, comment ça marche? Quels sont les systèmes chimiques? Comment sont bien créés, générés justement ces intrants? Expliquez-nous un peu le circuit. Partons de l'hydroponie et puis ensuite on étendra aux autres systèmes. Alors, les intrants utilisés en hydroponie sont de différentes origines. On a, pour ce qui est des intrants azotés, une origine plutôt chimique. C'est le procédé qu'on appelle le procédé Haber, qui consiste à récupérer de l'azote dans l'air et par des voies de transformation chimique, le transformer en ammoniac ou en ammonitrate. Donc, différentes formes de minéraux ou de composés minéraux. Pour le phosphore, c'est un peu différent. On le crée pas par voie chimique, mais c'est d'une origine minière. C'est-à-dire qu'on va extraire le phosphore de mines de phosphore et les rendre ensuite disponibles sous forme d'engrais. Donc dans un engrais hydroponique, il faut assurer la présence d'environ 16 nutriments différents. On a l'azote, le phosphore, le potassium, le calcium, le magnésium et j'en passe. Chacun de ces nutriments est nécessaire pour la croissance des plantes. Et donc après, il y a d'autres paramètres qu'il va falloir gérer, comme le pH, qui a une importance majeure pour les plantes. La conductivité aussi, conductivité électrique, qui va avoir un impact sur la pression osmotique et la capacité des plantes à récupérer les nutriments dans l'eau. Donc tout ça, c'est des paramètres qu'il faut réguler de manière assez fine. Également la présence d'oxygène dans l'eau, qui est absolument nécessaire pour le maintien des plantes en bonne santé. Et à côté de ça, il faut également gérer la lumière et la température dans les serres. Et racontez-nous le processus, parce qu'il y a comme le disait tout à l'heure Christine Aubry, il y a avec substrat, sans substrat, comment ça se passe, un cycle complet depuis le semis de la graine jusqu'à la récolte de la plante? En général, on va semer les graines directement sur des substrats, parce que le substrat est nécessaire, si vous voulez, pour toute germination ou enracinement. Ces substrats, ça peut être par exemple de la laine de roche, ça peut être de la tourbe, qui est très utilisée depuis de nombreuses années. Donc concrètement, on va faire germer des graines sur l'un de ces substrats. Ensuite, on va venir récupérer des mottes de substrat, les mettre dans des pots et les mettre au contact de l'eau à travers différents types de systèmes hydroponiques. On peut citer la méthode goutte à goutte. C'est la plus utilisée pour tout ce qui est culture de tomates, culture de fraises. Comment ça marche, cette méthode? Alors concrètement, on a ce qu'on appelle des pins de coco par exemple, de tourbe de coco, d'écorce de coco, qui vont dans lesquels on va implanter les jeunes plants qui viennent de germer. Ils vont venir s'enraciner dedans et des petites buses permettent de distribuer de l'eau en goutte à goutte, une eau riche du coup en nutriments comme spécifié précédemment. Et c'est ainsi que la culture hors sol va se faire. Donc c'est pas de la terre, c'est un substrat qui est inerte chimiquement. Oui, allez-y, je vous laisse continuer. D'accord. Donc ça, c'est l'un des systèmes. Après, pour tout ce qui est laitue, par exemple, ou herbes aromatiques diverses et variées, on va utiliser des systèmes type NFT, par exemple, Nutrient Film Technique, qui consiste en fait en une gouttière dans laquelle transite un tout petit volume d'eau sous forme d'une fine couche en renouvellement constant, dans laquelle les racines plongent directement. On a également la technique dite DWC, Deep Water Culture, ou RAFT, où là, on va avoir une quantité d'eau plus conséquente, de 10 à 30 cm de profondeur. Et là, c'est des plaques flottantes sur l'eau, dans lesquelles, pareil, les pots contenant le substrat, contenant la graine qui vient de germer, va être implantée et épanouir ses racines dans ce type de système. Après, on a aussi des systèmes de table à marée, plus utilisés pour la filière horticole, tout ce qui est fleurs ornementales. Christine Aubry, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je vais simplement dire que sur les substrats de germination, aujourd'hui, Pierre en a parlé, effectivement, la tourbe ou la fibre de coco sont très utilisées. Aujourd'hui, il y a des questionnements sur justement l'origine de ces substrats, alors que ce soit des substrats de germination ou dans d'autres systèmes techniques, des substrats de culture, pour la bonne raison que la fibre de coco ou la tourbe, la fibre de coco, c'est d'origine, bien sûr, exotique, et la tourbe, c'est un substrat qui est issu de zones humides. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de travaux auxquels d'ailleurs on a participé avec Pierre sur le fait de rechercher des substrats plus locaux, des substrats qui soient à la fois organiques mais pas trop, si on souhaite effectivement plus contrôler la germination et la croissance. Voilà, donc c'est une des voies aujourd'hui de recherche, c'est d'autres origines pour ces substrats initiaux. Ces circuits hydroponiques sont des circuits fermés, c'est-à-dire que devient, est-ce que, alors on entend bien qu'il y a des intrants, évidemment, nécessaires, que deviennent les déchets, est-ce qu'ils sont retraités, est-ce qu'on arrive à avoir des circuits qui sont totalement en boucle, ou est-ce qu'on est obligé de réintroduire de l'eau? Comment ça se passe, Christine Aubry? Alors, je pense que là aussi, Pierre pourra apporter plus d'informations. Clairement, ce sont des systèmes qui sont très économes en eau par rapport à la même production en plein champ. Donc, un de leurs intérêts majeurs vient de là. L'eau est généralement assez fortement recyclée. Il n'empêche que c'est pas un système totalement fermé. Voilà. Y compris d'ailleurs en aquaponie, on aura l'occasion d'en reparler. Mais clairement, c'est un système qui économise fortement l'eau, d'où son succès, et notamment son succès dans les pays où la ressource en eau est particulièrement limitée. D'où le développement très fort de ces formes hydroponiques, par exemple au Moyen-Orient. Pierre Foucault. Oui, il faut aussi savoir que l'hydroponie, ça existe, comme disait Christine, depuis au moins les années 40, que les techniques ont énormément progressé depuis. C'est vrai que à ses débuts, l'hydroponie n'était pas forcément très durable, dans le sens où il y avait beaucoup de rejets. Les nutriments étaient apportés un peu en excès aux plantes. Hein, quelque part, on gave les plantes. Et ça nécessitait de temps en temps un drainage de 20 à 30% du volume de la solution nutritive. Aujourd'hui, on maîtrise de plus en plus les technologies de recirculation, de retraitement des solutions nutritives, et on est en mesure de recycler une très grande partie de ces solutions. Très grande partie, c'est-à-dire ? J'ai pas le chiffre exact en tête, mais je dirais bien 90 à 95%. Ouais, d'accord. Voilà. Le CTIFL, par exemple, le Centre Technique des Fruits et Légumes, travaille beaucoup sur ces thématiques. Mais on a du mal quand même à fermer totalement à 100% le système en raison de l'accumulation de certains nutriments qui peuvent venir déséquilibrer les équilibres chimiques qui sont mis en place dans les solutions nutritives. Et certains composés également, là c'est plus une boîte noire en cours de recherche, et des exudats en fait de végétaux qui peuvent être des composés dits allélochimiques et qui peuvent être à terme toxiques pour les plantes en forte quantité. Alors ça c'est pour l'hydroponie. On va revenir sur évidemment les questions que pose ce type de culture dans la deuxième partie de l'émission, mais on va d'abord faire un peu le tour de ces différents types de cultures hors sol. Qu'est-ce que c'est que l'aéroponie, Pierre Foucault? L'aéroponie, c'est ni plus ni moins une forme d'hydroponie, une autre technique de la culture hydroponique qui consiste à, plutôt que faire plonger les plantes dans les racines des plantes dans de l'eau, on va plutôt asperser des fines gouttelettes, on va brumiser, si vous voulez, de l'eau, mais de l'eau contenant des nutriments, directement sur les racines. Donc ça permet d'économiser encore plus d'eau que l'hydroponie. Là, c'est vraiment l'économie d'eau poussée à son extrême. Je crois pas, Christine, qu'il y ait des plus grosse différence que ça, finalement? Non, je crois pas. Effectivement, c'est censé être plus productif, donc finalement une meilleure efficience des intrants pour certaines cultures, en particulier pour des cultures de laitue, de légumes, de légumes-feuilles de manière générale. Voilà, donc c'est des systèmes qui sont aujourd'hui pas mal développés, avec des succès un peu différents. C'est-à-dire? Disons que pour un certain nombre de fermes qui s'installent de manière très récente, on les voit plutôt s'installer en aéroponie qu'en hydroponie. Hein, le côté efficience des intrants est mis en avant de manière importante. Le cocktail d'intrants, il est spécifique à chaque plante? Alors, il est spécifique au moins à chaque catégorie de plantes. La difficulté étant que lorsqu'on a plusieurs plantes dans une même serre, par exemple, il faut pouvoir adapter, alors sur des lignes, par exemple, de production, le cocktail chimique à ce qui est plus ou moins aux demandes de chaque plante. Et on va passer assez rapidement, on reparlera encore une fois des avantages et des inconvénients de chacune de ces techniques, à l'aquaponie, puisqu'on parlait de circuits fermés. Donc l'aquaponie, Pierre Foucault, c'est qu'on rajoute finalement un système qui est un système de pisciculture qui vient pour le coup, enfin qui contribue à clore au maximum ce système dans une production de nutriments qui d'un seul coup devient une production non plus chimique mais biologique. Oui, alors je reviendrai sur le terme biologique qui n'est pas tout à fait exact, mais effectivement il est possible de définir l'aquaponie comme un couplage entre deux activités, entre un compartiment qu'on va appeler compartiment aquacole et un compartiment de culture hors sol. Le tout relié par un autre compartiment qui a son importance, qui est le compartiment bactérien. Qui permet une filtration biologique des rejets effectués par les poissons. Donc pour reprendre le cycle depuis le départ, concrètement on va avoir un élevage de poissons. qui va être nourri avec un aliment commercial traditionnel contenant des protéines, des lipides et tout ce qui est nécessaire pour sa bonne croissance. On va avoir comme intrant dans le système uniquement cet aliment. C'est en tout cas le but de l'aquaponie, c'est de s'affranchir en grosse partie ou totalement des intrants chimiques de l'hydroponie. Et l'autre intrant dans ce type de système va être l'eau. Ça va consommer un petit peu plus d'eau que l'hydroponie parce qu'on va élever des poissons en amont. Donc si vous voulez, les poissons vont avoir des rejets dissous et des rejets solides suite au métabolisme de la digestion. Les déchets, tout ce qui est déchets solides, c'est ce qu'on appelle des matières en suspension, de la matière organique qu'il va falloir évacuer du système assez rapidement grâce à des systèmes de filtration efficaces. On peut après valoriser ces matières sous forme de boue qui peuvent être valorisées en épandage ou en compostage. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les déchets dissous. Typiquement, c'est les nitrates, le phosphore, le potassium et d'autres éléments qui sont rejetés par les poissons. Tous ces effluents vont passer par une phase de filtration biologique qui a son importance parce qu'en circuit recirculé de pisciculture, les poissons donc naturellement produisent de l'ammoniac et cet ammoniac est aussi toxique pour eux à très faible concentration. Donc il faut avoir une filtration biologique efficiente pour transformer l'ammoniac en nitrate. Le nitrate qui va être une forme beaucoup plus neutre et moins toxique pour les poissons, même très peu toxique pour les poissons, et qui par contre va être une source d'azote idéale pour des plantes en aval de la pisciculture, ce qui forme le cycle de l'aquaponie. Et tous les autres nutriments rejetés par les poissons peuvent également être utilisés par les plantes. Et ça permet de restituer une eau appauvrie en nutriments qui peut potentiellement être utilisée pour boucler la boucle de l'élevage de poissons. Vous avez utilisé le terme de circuit recirculé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement à quoi ça correspond ? Alors oui, là on parle plus d'aquaculture du coup. Si vous voulez, un circuit recirculé, c'est une autre forme d'aquaculture. L'aquaculture conventionnelle, traditionnelle, se fait en circuit dit ouvert, c'est-à-dire qu'on va avoir une prise d'eau dans une rivière par exemple, ou n'importe quel cours d'eau. L'eau passe par l'élevage de poissons et les rejets vont directement à la rivière sans filtration très efficace, ou tout du moins une petite filtration mécanique et c'est tout. Il y a beaucoup de problématiques liées à l'aquaculture en circuit ouvert. Déjà, l'usage de l'eau. Le pisciculteur est contraint d'utiliser une faible part du débit des cours d'eau pour produire ses poissons et ça le limite souvent en termes de productivité. Un autre problème, c'est la continuité écologique dans le sens où tout ouvrage qui est mis en place sur une rivière doit pouvoir laisser passer toutes les espèces de poissons et autres animaux d'amont en aval de la rivière. Donc il faut mettre en place des passes à poissons, ce qui coûte très cher. Et une autre problématique, c'est le rejet de nutriments azotés et phosphatés directement dans l'environnement. Le circuit recirculé, lui, va avoir l'avantage de recycler 90 à 95% de l'eau déjà, donc ce qui permet de s'affranchir de cette problématique de ressources en eau. On peut produire avec cette technique, pourquoi pas, dans des zones désertiques où la ressource est limitée. Et donc ce circuit recirculé intègre ce compartiment de filtration biologique, mais pas forcément la culture hors sol végétale en aval. Et c'est l'innovation qu'apporte l'aquaponie au circuit recirculé. Alors pour ajouter non pas l'image mais le son au concept, comme toujours nous avons voulu aller voir à quoi ça ressemble. Et nous sommes allés visiter une ferme aquaponique en région parisienne. Bonjour Clément Salzard. Bonjour Nicolas. Oui, tout à fait. Une petite ferme aquaponique possédée par l'entreprise des Jardins du Saumonier de Cherbourg, qui comprend également depuis 30 ans une ferme aquacole et une serre aquaponique depuis quelques années. À Cherbourg comme à Asnières, c'est donc l'approche piscicole qui est privilégiée et pour cause. Le fondateur Pascal Goumin est éleveur de truites et de saumons et se targue d'ailleurs de produire l'unique saumon élevé en mer de France dans la rade de Cherbourg. Donc de l'élevage des truites arc-en-ciel que vous entendez là, au loin peut-être, à la vente. Tout est ainsi maîtrisé par l'entreprise. Donc, production des végétaux, transformation des poissons et vente du tout. Cela se passe sous la magnifique halle Flacha d'Asnières où Audrey Leroux, responsable de la ferme et des visites pédagogiques, nous a donné rendez-vous alors qu'elle nourrissait d'aliments bio les poissons. Elles sont combien dans ces bacs là ? Alors on a deux densités différentes. Sur les deux bassins extérieurs, on est plus sur 80 individus qui sont arrivés à 300 grammes. Et le bassin du milieu, ils sont à environ 150, un petit peu moins, j'arrondis, mais qui sont arrivés, elles, à 350. Donc nous, on est parti sur 6 bassins de poissons de truite arc-en-ciel. Donc on peut avoir une production autour de entre 2 à 4 tonnes par an. Et après, sur le végétal, on est parti donc sur deux systèmes d'hydroponie. Et du coup, le système sur raft, donc qui sont des planches en polystyrène avec où on place des petits paniers avec des billes d'argile et les racines sont directement plantées dans l'eau. Donc quand on soulève les radeaux, en fait, on voit la poussée des racines qui sont sans terre. Et sur la deuxième partie, donc vous avez trois lignes de ce qu'on appelle des bacs à marée. Donc c'est des bacs tout simplement qui font des marées comme à la mer. Et en fait, l'eau monte et descend et fait des marées toutes les 20 à 30 minutes et permet justement d'aérer les substrats, donc ces substituts de terre. Et donc nous, on n'utilise que de la bille d'argile. Donc là, l'espace, donc la Alflasha, on peut dire que l'espace se divise en trois parties. Mmh. Donc on a d'un côté les bacs avec tous les poissons, oui. On a la partie marché, oui. Proprement parler, et puis là, à notre droite, il y a tous les bacs, les radeaux. Les radeaux et les bacs, tous les, exactement. Les végétaux. Est-ce qu'on va faire un petit tour du côté c'est des ça. Végétaux? L'aquaponie, c'est connu donc, pour être un circuit fermé et hors sol. Donc voilà, comme vous disiez, en deux grandes parties, je pourrais même dire en trois. Donc la première partie avec le premier acteur, donc pour nous les truites arc-en-ciel, la partie aquaculture. Donc l'eau part d'ici, va dans ce que pour, on va dire, le deuxième acteur, les bactéries. Donc tout ce qui va être filtre biologique, donc qui va justement trier entre les déjections solides et liquides. On va garder que les liquides qui nous intéressent le plus, qui vont être traités par les bactéries. Et ensuite, l'eau arrive sur du coup, la troisième partie, la partie végétale, donc le troisième acteur. Et donc, les plantes filtrent à l'eau pour les poissons, remplissent les bacs à marée, se déversent dans le radeau et repartent directement au bassin, etc. Là, vous avez de la moutarde. C'est comme les choux chinois là-bas, c'est beaucoup. C'est un premier test pour savoir comment ça prend. De la roquette, des laitues, des poireaux, ciboules, ciboulettes, du mizuna et de la moutarde, du mufflier et des pensées sauvages pour les fleurs. Cet été, on a essayé par exemple de faire un peu de fraises, un peu de framboisier et un peu de tomates cerises. Les tomates cerises, ça prend bien. De toute façon, les tomates, ça prend toujours bien. Les fraises, beaucoup moins, mais justement pour le problème de pollinisation et de biodiversité. Donc on reste sur voilà, des produits dits type feuille, parce que du coup, ça, les fruits nécessitent beaucoup plus d'énergie. Et comme on voit, voilà, j'ai très peu de lumière, j'ai quand même des variables assez difficiles. Donc on essaye de valoriser au mieux en faisant ce qui pousse le mieux. Moi, personnellement, j'invite mes clients à venir par curiosité. Par exemple, pour le végétal, comme c'est un peu au fil de l'eau et Dame Nature qui décide, je leur dis, faut venir régulièrement, venir parler avec nous et voir si ça a poussé. Et comme ça, je peux vous faire un beau bouquet de persil ou de ciboulette coupé à la minute. Et ils sont aussi curieux de savoir si les végétaux qui poussent en aquaponie ont le même goût que les végétaux en pleine terre. Donc, et alors, réponse ? C'est différent, mais ça a vraiment le même, enfin ça a le même goût. Il y a pas une tomate, ça a le goût de tomate. Ça aura pas un autre goût. Le persil a un vraiment bon goût. Tous les aromatiques que j'ai vendus cet été, les clients étaient assez surpris parce qu'ils tenaient bien en durée, même coupé, et le goût était là. Ça pourrait être fait en pleine terre ou en aquaponie, il y a pas de différence. Est-ce que vous diriez quand même que ces installations ici, elles sont, c'est quand même des installations assez énergivores? On arrive de plus en plus à chiffrer cette agriculture urbaine, que ce soit en rendement ou en énergie. Ici, ça fait moins d'un an qu'on est en train de tourner, donc vous dire combien je consomme en électricité ou en eau, c'est encore compliqué. D'ici mars, ça fera un an que le système tourne. Peut-être un peu plus loin pour voir après les poissons, mais se donner, voilà, le système, il fait telle surface, il représente tel volume d'eau, et en énergie, ça fait tant. Parce que c'est vrai que voilà, on a de la LED, on a un groupe froid. Après, voilà, certes, sur le papier, voilà, on utilise du PVC, des biofiltres, les médias qui sont dedans sont du plastique, mais qui est dépollué, les radeaux sont du polystyrène, dépollué. Mais on n'utilise que du matériel qui est utilisable plusieurs années. Donc pour moi, l'amortissement, entre guillemets, CO2, est moindre que si je devais en changer tout le temps, toute l'année en fait. Ça, je peux les garder plus de 10 ans, il n'y aura aucun souci. Justement, le système aquaponique, plus il est stable et il se crée jour en jour, mieux ce sera pour la biodiversité. Est-ce que vous savez comment vous êtes perçu par des agriculteurs traditionnels? Certains disent que l'agriculture urbaine sont les remplaçants des agricultures traditionnelles. Je préfère dire qu'on est coéquipiers ou qu'on est en complément plutôt que dire que je peux nourrir Paris et que tous les agriculteurs traditionnels peuvent partir à la retraite tranquillement, ce serait mentir. C'est sûr que si on met deux sites aquaponiques et deux containers de fraises et deux îlots de production végétale, on va pas nourrir Paris en entier. Mais faut pas se cacher, il faut pas mentir. C'est bonne journée. C'est pas bonne journée, bonne année. Ouais. Plein de bonnes choses aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà ce reportage où vous avez ajouté l'image mentale au son dans cette ferme aquaponique. Une réaction peut-être l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Christine Aubry? Oh ben, je trouve qu'il y a des éléments tout à fait intéressants, notamment le fait, ce que dit Audrey Leroux, tout à fait vrai, on manque de références techniques encore, notamment sur la question de la consommation d'énergie, qui est quand même un des gros soucis aujourd'hui par rapport à ces systèmes. On va y revenir. Elle met aussi l'accent sur un problème qu'on trouve souvent en milieu urbain, qui est le problème d'éclairement, parce qu'on est dans des contraintes effectivement liées au bâtiment, qui font que on peut pas forcément faire tout ce qu'on veut hein, dans les systèmes urbains. Et puis elle met aussi l'accent sur, par contre, un avantage qui est d'ailleurs de toutes les formes d'agriculture urbaine, qui sont ce que nous on appelle les circuits ultra courts, c'est-à-dire qu'on est vraiment tout près des consommateurs. Et là, pour le coup, on valorise complètement des produits frais, qu'il s'agisse de poissons, qu'il s'agisse de légumes. Donc, je pense que c'est des choses importantes. Elle met aussi l'accent sur complémentarité ou concurrence avec l'agriculture traditionnelle. Clairement, enfin, j'espère que l'objet de l'agriculture urbaine ne sera jamais de faire concurrence à l'agriculture traditionnelle qui a déjà beaucoup de problèmes à régler. Par contre, elle peut être effectivement très complémentaire par rapport à certaines saisons, par rapport à certaines productions. Pierre Foucard. Oui, par rapport à la qualité des produits cultivés hors sol, il y a quelques références qui existent sur la comparaison de produits issus de l'hydroponie par rapport à la culture pleine terre. La qualité, on parle de la qualité nutritionnelle, du goût. Alors, oui. Je parlais plutôt là de la qualité nutritionnelle, la présence de vitamines, de minéraux dans les végétaux. Et les résultats montrent que finalement, il n'y a pas une méthode qui soit meilleure que l'autre, dans le sens où on peut trouver des choses très similaires en termes de taux de minéraux. Parfois, on a plus de potassium, parfois on a en culture pleine terre, parfois on en a moins. Si vous voulez, il n'y a pas vraiment de normes. C'est aussi une histoire de variété de végétaux, une histoire de type de terre pour l'agriculture conventionnelle. D'un type de sol à l'autre, on n'aura pas la même qualité dans les végétaux. Mais on arrive à faire en hors-sol des choses très, très pertinentes en termes de qualité nutritionnelle. En termes de goût également, pour avoir fait du basilic en aquaponie ou en hydroponie, on obtient des pestos tout à fait sympathiques. Mais vous conviendrez qu'il est plus facile d'avoir du basilic avec du goût que des tomates avec du goût. Exactement. Mais là, sur la question des tomates, je dirais que c'est un très vaste débat, dans le sens où on pointe souvent du doigt la tomate qu'on consomme, qu'on achète en supermarché. Effectivement, elle est produite majoritairement hors sol. Par contre, ce qu'on dit pas forcément, c'est que la chaîne du froid altère énormément le goût des tomates. Le froid désactive certaines molécules que peuvent rejeter les tomates et qui sont responsables du goût. Mais si on est sur un circuit court, normalement, on n'a pas de problème de chaîne du froid. Alors, effectivement, si on est sur un circuit court, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut aussi que le consommateur ne conserve pas ses tomates au frigo, parce que le résultat est le même. Après, il y a aussi une histoire de variété. Vous n'allez pas nous dire que le problème du goût des tomates, c'est le problème du consommateur qui les garde au frigo, Pierre Foucard. Non, pas que. Comme je vous disais, la chaîne du froid également, quand on est en circuit pas assez court, justement. Mais surtout un problème de variété, en fait. Un problème de sélection variétale depuis des années qui est faite sur la tomate, sur des critères plutôt résistance au choc, conservation longue, plutôt que sur le goût. Il est tout à fait possible de trouver des variétés de tomates cultivées hors sol qui ont du goût. C'est le cas notamment des tomates cerises ou des tomates de petit calibre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plus de difficultés à trouver sur nos étals des tomates ayant du goût. Ouais. On va revenir sur ces questions, pas seulement la question du goût, la question de la pérennité de ces systèmes, des modèles économiques, de l'impact environnemental, ce qui est évidemment une question centrale. On en parle dans quelques minutes. C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain, qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec une table et une chaise de jardin, avec deux arbres, un pommier et un sapin, au fond d'une cour, à la chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui, au revers de son veston, portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta: de grâce, monsieur le promoteur, de grâce, préservez cette grâce. C'est le petit jardin de Jacques Dutronc sur France Culture à 16h40 dans la méthode scientifique, puisque nous parlons eh bien de jardins, de fermes urbaines et notamment de ces techniques d'agriculture hors sol que sont l'hydroponie, l'aquaponie, l'aéroponie. Nous en parlons avec Christine Aubry qui est ingénieure de recherche hors classe à AgroParisTech et avec Pierre Foucard qui est en duplex avec nous depuis Lyon et qui est chargé de mission aquaculture recirculée, aquaponie et hydroponie à l'Itavie. Mais avant cela, c'est l'heure bien comme tous les mercredis à mi-parcours, de retrouver la recherche montre en main. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Mathilde Heck. Bonjour. Vous êtes en troisième année de thèse au Centre de Recherche en Agriculture Urbaine de Jean Blou Agrobiotech, Université de Liège. Bienvenue à la recherche montre en main. Nous vous écoutons. Bonjour. Alors, tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité à participer à votre émission. Donc, comme vous l'avez dit, je suis en troisième année de thèse à Jean Blou Agrobiotech au Centre de Recherche en Agriculture Urbaine, sous la direction du professeur Aïssam Jijakli, et ma thèse est soutenue par le Fonds National de la Recherche Scientifique Belge. Alors, mon projet de thèse consiste à étudier les micro-organismes, et plus précisément les bactéries et les champignons, présents dans les systèmes aquaponiques et hydroponiques. Alors, l'aquaponie, ça a déjà été expliqué précédemment, mais en bref, un système aquaponique, c'est donc la combinaison d'un système d'élevage de poissons avec un compartiment de production hydroponique. Les nutriments essentiels à la croissance des plantes sont contenus dans les excréments de poissons. Les excréments de poissons sont, eux, présents dans l'eau de l'aquarium. Et l'eau de l'aquarium est pompée vers le compartiment hydroponique. Les plantes prélèvent les nutriments et renvoient ainsi vers les poissons une eau plus propre. On a donc un système gagnant-gagnant, on peut dire. Dans ma recherche, j'essaye de comprendre quels peuvent être les effets bénéfiques des bactéries et des champignons de ces systèmes sur la croissance et la santé des plantes. Alors, vous pouvez me dire, mais pourquoi se focaliser sur ces êtres microscopiques ? Eh bien, en fait, c'est pour mieux comprendre les mécanismes de fonctionnement et les échanges de nutriments dans les systèmes aquaponiques et hydroponiques, et enfin de rendre ces systèmes plus durables. Alors effectivement, dans le contexte actuel, les ressources naturelles comme l'eau ou les engrais chimiques, ça a été mentionné, diminuent. Il faut donc trouver des alternatives aux techniques de production actuelles et il faut surtout s'assurer que ces alternatives sont vraiment viables. Alors la démarche de se focaliser sur les micro-organismes, ça a déjà été appliqué pour ce qui concerne les cultures de pleine terre. Un groupe de micro-organismes est connu. C'est un groupe qui rassemble toutes les bactéries, les champignons qui participent de près ou de loin à la croissance ou à l'amélioration de la santé des plantes. Alors leurs compétences sont par exemple la production d'hormones de croissance ou bien la solubilisation de nutriments qui peuvent être coincés dans des formes inatteignables pour les plantes, ou encore la production de molécules qui aident à mieux absorber les nutriments, donc qui aident les plantes à mieux absorber. Donc, pour mieux connaître ces micro-organismes et leurs fonctions éventuellement bénéfiques, moi je les étudie dans le cadre de ma thèse selon deux angles. Donc on a d'une part le qui et d'autre part le quoi. Donc pour le qui, je me demande mais qui sont ces bactéries et ces champignons ? Est-ce que ce sont les mêmes partout ? Est-ce que ce sont les mêmes tout le temps ? Alors pour répondre à ces questions, je collecte des échantillons à différents endroits, à différents moments, voire dans différents systèmes. J'extrais l'ADN des micro-organismes et avec cet ADN et l'aide de la bioinformatique et de bases de données, je peux identifier les micro-organismes et à quel groupe ils appartiennent. Mais connaître l'arbre généalogique des micro-organismes, ça ne suffit pas pour savoir de quoi elles sont capables, évidemment. Et si je veux faire une analogie, j'aurais beau connaître votre nom de famille et savoir que votre cousin est doué pour la course à pied, moi ça ne m'assure pas que vous soyez bon sur le 100 mètres. D'autant que je m'appelle Martin, non. Ça va être compliqué, oui. Oui, ça, c'est pas précis. Non. Et donc, effectivement, pour les micro-organismes, c'est pareil. Et tout comme pour Martin, il y a des groupes et des genres de micro-organismes qui sont très très vastes. Et donc, il y a plein d'espèces avec des compétences complètement différentes à l'intérieur. Et donc, c'est ce qui m'amène à mon quoi. Pour connaître la fonction des micro-organismes, je les collecte dans mon système aquaponique, je les cultive au laboratoire et je leur fais ensuite passer des tests d'aptitude, donc ici pas physique, mais plutôt biochimique. Et ces tests me permettent de déterminer précisément si oui ou non les micro-organismes présents dans le système aquaponique étudié possèdent des compétences ou des qualités bénéfiques à la santé et à la croissance des plantes présentes dans le compartiment hydroponique. Donc, pour conclure rapidement, le but, c'est vraiment d'en savoir plus et de mieux comprendre l'aspect microbiologique des systèmes aquaponiques, de manière à rendre l'aquaponie plus viable pour qu'elle puisse se développer et participer, qui sait, au système alimentaire de demain. Merci beaucoup Mathilde Eck pour votre excellente présentation. Peut-être une réaction rapide de nos deux invités, Christine Aubry. Oui, je crois que le travail de Mathilde illustre vraiment le besoin de connaissances qu'on a aujourd'hui pour mieux maîtriser ces systèmes-là, parce que on manque effectivement considérablement de données et je pense que voilà, on attend avec impatience sa thèse. Évidemment, Pierre Foucard, la question aujourd'hui c'est largement étudiée, le microbiote des racines, les systèmes symbiotiques entre les champignons et les racines pour le nutriment des plantes, tout ça on sait que ce sont des micro-organismes qui pullulent dans le sol et que on imagine compliqué de bien reproduire dans des milieux aussi maîtrisés que les milieux de culture hors sol type hydroponie. Oui, effectivement, donc une présentation intéressante et donc je savais pas que Jean-Bou travaillait sur ces questions de manière si active, donc j'invite cette personne à venir faire des prélèvements chez nous, ça serait très intéressant parce que c'est des sujets qu'on souhaite justement travailler hein, nous dans le cadre de l'ITAVI et de nos travaux sur APIVA, hein, le projet APIVA avec nos partenaires de recherche qui sont le CIRAD, l'INRA, l'Astrédor et un lycée agricole à la Canourgue. Donc sur cette question de la microbiologie, effectivement, en aquaponie, on va peut-être réussir à reproduire finalement ce qui se passe dans le sol. Là où l'hydroponie est un système qui se maintient dans un environnement relativement stérile, dans le sens où certains systèmes mettent en place des filtres UV pour stériliser l'eau, pour éviter l'apparition de pathogènes. En aquaponie, on n'a pas vraiment ça. On laisse les choses se débrouiller, entre guillemets. Et finalement, en aquaponie, d'après les connaissances qu'on a en hydroponie, ça devrait pas marcher. Quelque part, on a été très surpris hein, des performances, quand on a commencé nos travaux en 2013, des très bonnes performances de l'aquaponie vis-à-vis de l'hydroponie. Et il y a fort à parier que le microcosme, les bactéries, participent activement à ces performances. Par justement, comme il était expliqué, une aide à l'assimilation des nutriments, ce qui fait qu'avec une solution contenant 10 à 20 fois moins de nutriments qu'en hydroponie, l'aquaponie permet des rendements similaires. Et ça, pour le moment, justement, ça demande encore des études. Vous disiez, c'est une surprise, on ne s'attendait pas à ce que ça fonctionne à ce point-là. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que on a des conditions défavorables, dans le sens où on est obligé de faire des compromis en aquaponie sur les paramètres physico-chimiques de l'eau dans lesquels poussent les plantes. Typiquement le pH, là où en hydroponie, on doit avoir un pH acide autour de 5,5-6, en aquaponie, on va essayer de pas aller en dessous de 7, parce que si on va en dessous de 7, le filtre biologique ne fonctionne plus, les bactéries se désactivent. Donc on est obligé de fonctionner en pH neutre à légèrement alcalin, ce qui est très défavorable pour l'absorption des nutriments par les plantes. En plus de ça, on a une conductivité électrique qui est 3 fois plus faible en aquaponie qu'en hydroponie, donc ce qui normalement limiterait un peu les capacités des plantes à absorber les nutriments dans l'eau. Et pour autant, les résultats sont très intéressants et ça fascine un petit peu le monde de la recherche dans le domaine de l'hydroponie. Donc on a beaucoup de contacts avec des chercheurs d'horizons divers qui s'intéressent un petit peu à l'aquaponie, alors que la réaction de départ était plutôt de s'en moquer, mais de... De pas vraiment avoir d'espoir là-dessus. C'est intéressant, c'est-à-dire que quand finalement on rajoute des briques du vivant, qu'on complexifie le système, finalement on pense qu'on perd en optimisation d'un système qu'on maîtrise totalement, alors que finalement c'est le contraire, c'est presque ironique, je ne sais pas, Christine Aubry. Non, mais au contraire, je trouve que c'est très plaisant, c'est-à-dire que ça montre... rassurant, disons. Oui, c'est rassurant, tout à fait. Et finalement, un des éléments qu'on peut mettre en avant, c'est que l'aquaponie par rapport à l'hydroponie, justement, rajoute une brique de vivant et donc se rapproche plus des conditions d'un sol, se rapproche. C'est pas encore une condition de sol. J'aimerais qu'on dise quelques mots, alors évidemment, des modèles économiques, parce que, alors pour l'heure, c'est encore, on trouve des situations très très diverses, hein, des situations non planifiées, non contrôlées, informelles, et avec à l'autre bout des situations hyper technologiques, hyper contrôlées, comme Ironox en Californie que j'évoquais au tout début de cette émission. Ça reste aujourd'hui un investissement initial important et une rentabilité pas tout à fait évidente. Christine Aubry, j'ai lu que par exemple au Japon, sur 300 fermes en hydroponie, on a juste seulement une sur quatre, un quart, qui est au-dessus du seuil de rentabilité. Non. Oui, c'est très difficile d'avoir des données là aussi, parce que ce sont des milieux souvent assez fermés, pas que physiquement fermés. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut bien voir, c'est que dès lors que l'on développe ce genre de système dans des zones urbaines, on est soumis au coût des ressources urbaines. Faire une serre en milieu urbain, ça coûte au moins 10 fois plus que la faire en milieu rural. Donc, clairement, il y a un coût sur les ressources. Il y a aussi des questions à se poser sur le bon choix des bons légumes et des bons poissons, quand on parle d'aquaponie, qui vont correspondre au goût des consommateurs, qui vont correspondre à des marchés. Et ça, c'est pas forcément toujours évident. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire sur les modèles économiques. Je pense que Pierre a aussi des éléments complémentaires là-dessus. Il y a un exemple, le dépôt de bilan d'Urban Farmer sur un immense projet d'aquaponie sur un toit à La Haye, aux Pays-Bas. On était sur une serre à près de 3 millions d'euros pour une serre de 1200 mètres carrés. Ça veut dire qu'on ne peut pas tout optimiser à ce point-là. Et notamment, j'ai lu à propos de ce système qui était un système d'hydroponie, je crois, pas d'aquaponie. Si, c'était de l'aquaponie. Non, bien sûr, c'est de l'aquaponie, absolument. Qu'il y a un problème d'intégration finalement dans le milieu urbain et de lien avec les consommateurs qui sont pas encore tout à fait prêts culturellement à avoir ce type d'exploitation et à consommer ce type de produit. Pierre Foucard. Oui, effectivement. Donc l'échec d'Urban Farmer a eu un retentissement important dans le monde de l'agriculture urbaine et de l'hydroponie, aquaponie, dans le sens où des millions d'euros ont été investis dans ce projet faramineux. C'est vrai que le contexte urbain a pas facilité la viabilité du projet, sachant qu'on avait des maraîchers à proximité de la ville qui vendaient des produits à des tomates à 2 € le kilo contre des tomates vendues à 6-8 € le kilo via ce système aquaponique. Donc c'est vrai que le consommateur peut plus rapidement faire son choix finalement à travers ces chiffres. Donc il n'y avait pas forcément une bonne compréhension du contexte de compétition locale et je pense pas une étude de marché assez solide en amont de la construction du système. Je crois qu'un autre élément important, c'est quelle transformation on peut faire des produits obtenus. Et là aussi, en milieu urbain, si on parle du poisson, on peut consommer le poisson frais, mais on peut aussi le transformer, le sécher, etc. Et ça, c'est pas facile à faire du tout en milieu urbain, parce qu'on a des contraintes liées à l'environnement urbain, etc. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les modèles économiques possibles ne sont pas encore du tout stabilisés. Les surcoûts restent très importants. Très importants, voilà. Uniquement en milieu urbain ou en règle générale? De manière générale, on a des surcoûts, hein, de toute façon, dès lors qu'on essaye de faire des systèmes comme ça. Mais en milieu urbain, c'est vraiment très largement... c'est beaucoup plus important qu'en milieu plus rural. Et dans les faits, aujourd'hui, on n'a pas véritablement de grosses réussites. Vous citiez avec justesse les systèmes au Japon, alors qu'ils sont plus hydroponiques qu'aquaponiques, en l'occurrence. Mais voilà, on est encore avec de gros points d'interrogation sur l'intérêt et la rentabilité de ces systèmes. La autre question, évidemment, c'est celle de l'impact environnemental, hein, puisqu'on attend un service environnemental très important, un service sociétal important, puisque c'est récupérer de l'espace sur, bien sûr, des terres qui sont largement surexploitées, sur des terres qui sont construites. Pierre Foucard, où on en est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut dire du bilan environnemental de ces systèmes d'agriculture hors sol? Je vais surtout pouvoir vous répondre sur la partie aquaponie, dans le sens où on a réalisé des analyses de cycle de vie, hein, qui est une démarche de qualification environnementale des productions, qui permet de comparer des productions entre elles sur la base de différents indicateurs. Pour l'aquaponie, clairement, ce qui fait défaut à cette technique, c'est la consommation énergétique. C'est ce qui pêche le plus sur le bilan environnemental et qui fait qu'aujourd'hui, la pertinence environnementale est discutable. Donc c'est vraiment... Pour quelle raison ? En raison de la consommation énergétique importante qu'induisent les systèmes de recirculation en pisciculture. On utilise des pompes, on utilise des soufflantes pour mettre de l'oxygène dans les bassins. Et on prend également en compte la fabrication de l'aliment pour poissons. En prenant en compte tous les paramètres, la pression environnementale et énergétique est beaucoup trop forte. On raisonne en général par kilowattheure, par kilo de poisson produit, par exemple, en aquaculture recirculée. Et là, la recherche aujourd'hui va dans le sens de la diminution de plus en plus de ce ratio kilowattheure par kilo de poisson produit pour aboutir à un bilan environnemental un peu meilleur. Donc c'est sûr qu'il va falloir... Il va falloir trouver des alternatives énergétiques avec des solutions plus vertes si on veut que le cycle de vie soit meilleur. Donc, si je résume, un surcoût important, une rentabilité pas assurée, un bilan environnemental relativement négatif, quel est l'intérêt aujourd'hui de continuer le développement de ce type de culture hors sol, Christine Aubry? Voilà, dans un premier temps, je pense qu'il ne faut pas du tout condamner l'agriculture sur sol, parce qu'elle a justement plein d'avantages environnementaux, la rétention d'eau par le sol, la biodiversité dans ce sol, qu'on essaye donc de reconstruire, mais qu'on est encore loin encore d'y arriver. Par ailleurs, personne ne condamnait l'agriculture sur sol autour de cette table, ni au bout du Et clairement, par rapport à l'urbanisation, l'important aujourd'hui, c'est quand même de garder beaucoup de terres cultivées le plus possible autour des villes. Maintenant, l'intérêt de ce genre de système, concrètement, c'est dans des contextes où justement, on peut pas cultiver en sol. Alors, le contexte le plus, vous en avez parlé en début d'émission, c'est par exemple l'agriculture dans l'espace. Demain, si on fait des villages sur la Lune, il faudra bien nourrir les gens. Et typiquement, ce genre de système est particulièrement adapté. Donc, dans d'autres, si on reste sur Terre, lorsqu'on est dans des situations de contexte urbain extrêmement dense et étalé, ce qui est le cas de certaines villes asiatiques, c'est tout à fait pertinent. Singapour, par exemple. Voilà, de vouloir faire des produits frais sur place. C'est moins directement pertinent dans nos contextes urbains, par exemple en France. Clairement, on n'en a pas un besoin absolu. Par contre, ça peut se rendre certains services, par exemple en lien avec la restauration collective scolaire, pouvoir arriver à faire des poissons si on arrive à avoir des coûts plus maîtrisés. Et on peut imaginer une diminution des coûts, une amélioration de la rentabilité, notamment à destination des pays du Sud ou des endroits désertiques. Il y a des expérimentations qui sont en cours, par exemple à Atacama au Chili. Pierre Foucard, pour conclure. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Bien sûr, allez-y, je vous en prie. À ce qu'on a dit avant. Je veux pas non plus qu'on parte sur la conclusion que ces systèmes ne sont pas bons pour l'environnement, dans le sens où ils apportent aussi pas mal de bonnes choses. L'économie en eau, l'économie en intrants, le fait de pouvoir produire localement assez facilement, le fait de pouvoir produire dans des zones désertiques où il y a un manque d'eau. Il faut pas voir que les mauvais côtés. Et on a aussi des systèmes existants qui se veulent plus low cost. On n'est pas forcément dans le high-tech, et dans ces systèmes low-cost, on va avoir un impact environnemental beaucoup plus faible, dans le sens où il n'y aura pas forcément toute une débauche de technologie derrière. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'être venus nous parler de ces différents systèmes d'agriculture hors sol. Merci Christine Aubry, merci Pierre Foucard, merci à nos camarades du bureau de Radio France à Lyon pour le duplex, et merci également à Mathilde Heck pour la présentation de ses travaux. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Antoine Beauchamp, Clément Salzar, Alexandra Delbo, Natacha Triouk, l'on salue, Céline Lezen, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Eve Etienne, Olivier Bétard à la réalisation et Jacques Hubert à la technique. Demain, nous parlerons d'Einstein. Eh bien oui, depuis le temps qu'on parle de la relativité générale, de la relativité restreinte dans cette émission, nous allons consacrer une heure entière au Grand Albert. Ce sera demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.